Yes, me v'là toute seule. Je vais pouvoir explorer un petit peu. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Ah ! T'es qui toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je me promène, c'est tout. Comment t'es arrivée jusqu'ici ? Je suis venue en bateau avec mon grand-pa. Il est où ton grand-pa ? Il était là il y a une minute. Il est parti faire un tour. Il est parti faire un tour. Puis t'as laissé là toute seule. Je te crois pas. Il serait pas parti nous espionner plutôt ? Espionner ? Mais espionner qui ? Fais pas l'innocent. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pour commencer, on croise une espèce de fée qui sait déjà tout sur nous autres. Puis ensuite, un grand niaiseux qui veut rien savoir de ce qu'on lui dit. Une fée ? T'as-tu dit son nom ? Ouais. Elle a dit qu'elle s'appelait Mirabelle, je crois. Ça serait pas plutôt Lunael ? Ouais, c'est ça, Lunael. T'as-tu dit autre chose ? Non, elle voulait juste parler à mon grand-père. Ah, ouais ? Et elle était pas fâchée de vous voir ici ? Non, sauf qu'on était en retard. Bon. Si Lunael vous attendait, j'imagine que tout est correct. Salut, moi c'est Miguel à François Germain. Allô, moi c'est Marine à Louis à François. Excuse-moi pour l'accueil, je suis pas habituée à la visite. Oui, ça paraît. Et tu es venue en bateau toi aussi ? En bateau ? Non, j'habite ici. Ici ? Ça se peut pas, y a jamais personne qui vient ici. Justement, on n'est pas dérangé. Puis Lunael ? Lunael, c'est pas pareil. Elle apparaît puis disparaît, puis on sait même pas comment. Mais une chose est sûre, il va se passer quelque chose d'important. Il se passe toujours quelque chose d'important quand Lunael vient nous voir. Nous ? Qui ça, nous ? Ben moi, puis tout le monde du village. Du village ? Il y a village ici. Ouais. C'est un secret. J'aurais même pas dû te parler. Mais si Lunael parle avec ton grand-père, je dois sûrement pouvoir te parler moi aussi. Est-ce que tu vis ici depuis longtemps ? Je suis né ici, puis mon père avant moi. Mais il y a des familles qui sont arrivées depuis encore plus longtemps. Oh ouais, comment vous êtes arrivés ici ? Moi, c'est mon grand-père qui s'est installé sur l'île. Mais les premiers habitants sont arrivés il y a ben longtemps. C'est une longue histoire. Les anciens ont même fait une chanson là-dessus. Oh ouais, chante-la moi s'il te plaît. Ok, écoute.